Imagine-t-on aujourd'hui qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il était communément admis que notre système solaire était une exception et qu'il n'y avait finalement pas d'autres planètes dans l'univers. Et en l'espace de quelques années, le nombre d'exoplanètes potentielles est passé de 0 à des centaines de milliards. Mais il faudra attendre encore 50 ans pour que de l'intuition on passe à l'observation. Et cette observation, elle est le fruit de deux astronomes suisses qui, grâce à un appareil de leur conception et de leur aveu même avec un petit coup de pouce de la chance, ont observé la toute première exoplanète 51 Pegasi b. C'est en 1995, une observation qui leur a valu le prix Nobel. Michel Mayor et Didier Queulot, Exoterre en vue, c'est le programme planétaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et c'est peu dire que nous sommes fiers et particulièrement heureux et peut-être même un peu impressionnés également de recevoir aujourd'hui, à distance comme il se doit, Michel Mayor et Didier Queulot. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Didier Queulot. On vérifie parce qu'on a eu une petite frayeur, mais vous êtes bien avec nous. Michel Mayor, vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Genève, professeur honoraire à l'Université de Genève. Didier Queulot, astronome, professeur à l'Observatoire de Genève également et à l'Université de Cambridge. On n'a évidemment pas résisté à vous faire écouter ça. On a choisi la Haute-Provence d'abord parce que la nébulosité y est plus Royal faible. Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Physics, pour moitié à James Peebles pour des découvertes théoriques en cosmologie physique, et pour l'autre moitié, conjointement à Michel Mayor et Didier Queulot, pour la découverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire. Voilà, c'était l'année dernière. Vous n'échapperez pas l'un et l'autre à l'incontournable question. Déjà, est-ce que vous avez entendu cette annonce ou comment est-ce que vous l'avez appris? Et puis, évidemment, qu'est-ce que ça fait quand on apprend cette nouvelle? Michel Mayor. J'étais en Espagne, moitié pour des vacances, moitié pour du travail. Et je quittais San Sebastian quand j'ai juste, au moment de quitter, je dis, j'aimerais quand même savoir ce qui, le jour où il faisait l'annonce, je voulais savoir ce qu'il se disait. J'avais eu aucun téléphone avant. Et je tombe exactement à l'instant où le professeur Hansen dit « Cette année, les prix Nobel seront donnés à des gens qui ont amélioré notre connaissance du cosmos. » J'ai dit « Superbe sujet. » J'ai juste entendu les trois noms et je devais partir pour prendre mon bus. Et vous, Didier Queulot? Alors moi, ça m'a pris absolument par surprise. Parce que, bon, j'avais complètement oublié que c'était le jour des prix Nobel de physique. Et j'étais en plein meeting à Cambridge avec d'autres préoccupations, si bien que mon téléphone a sonné plus de 20 minutes après l'annonce. C'était le service de presse de l'Université de Cambridge qui m'annonçait qu'il me demandait si j'étais au courant, si j'avais reçu le prix Nobel. Ils essayaient absolument de me chercher. Donc voyez-moi, pour moi, c'était vraiment la surprise totale. Et un peu moins d'un an après, on imagine bien sûr que bon, il y a toutes les sollicitations. Ça change tout de même beaucoup de choses dans votre carrière scientifique. Est-ce que aujourd'hui, quel est le regard un peu rétrospectif que vous avez depuis cette annonce l'un et l'autre, Didier Queulot? Oui, c'est un changement absolument majeur parce que moi, je suis encore, on va dire, en pleine activité. Donc quelque part, je fais partie des prix Nobel relativement jeunes, toute proportion gardée. Ça veut dire que ça ouvre beaucoup de possibilités nouvelles. Ça aussi pose des questions. Ça demande de faire des choix parce qu'il y a une attente relativement importante. Vous savez, vous venez un tout petit peu, quelque sorte, une sorte de porte-drapeau de la science et vous devenez une sorte de un peu un rôle modèle. Donc voilà. Donc il faut un peu jongler avec tout ça, mais voilà, je me plains pas, hein, ça fait partie de la vie. Vous dites ça pose des questions, quel type de questions par exemple? Oui, ben, vous savez, vous pouvez pas faire comme si de rien n'était, ça devient impossible parce que déjà vous le voyez tous les jours sur votre mail, il explose tous les jours, les demandes de conférences, de participation à des émissions, c'est régulier. Donc ça, vous devez intégrer cette nouvelle tâche en fait dans votre activité, et c'est pas facile parce que votre activité était déjà bien remplie, et en gros vous devez en gros c'est un plein temps pendant les 6 premiers mois. Maintenant c'est à peu près une activité à mi-temps, et déjà à mi-temps c'est beaucoup trop. Donc dans ce cadre-là, il y a toute une réflexion de quelque part comment organiser sa vie autour d'un prix aussi prestigieux. Michel Mayor. Oui, alors j'ai des commentaires très similaires. En fait, la première période, les premiers mois, disons, l'annonce en octobre et le mois de mars, ça a été la folie, quoi. Les invitations à gauche, à droite, les conférences, les comités et autres. Et puis, évidemment, tout s'arrête en mars. Actuellement, tout a été annulé, pratiquement, à une exception près, je crois. Tout est annulé jusqu'au mois de septembre, les réunions réelles, en présentiel. Par contre, maintenant, c'est l'avalanche des vidéoconférences où tout est transformé en conférence par ordinateur. J'avoue que personnellement, j'aime pas tellement. Comment dire, j'ai de la peine à rester 40 minutes devant mon ordinateur à parler. Comme si des gens que je vois pas, quoi. Bien sûr. Bon, on est d'autant plus ravis de vous avoir aujourd'hui et d'avoir réussi à vous réunir pour participer à cette émission. Ça faisait longtemps qu'on en avait l'ambition, donc on est vraiment ravis de vous avoir. Un dernier mot d'introduction, Michel Mayor. Il paraît que votre surnom, depuis, c'est le Christophe Colomb des exoplanètes, c'est vrai? On me l'a pas dit. Bah écoutez, voilà. Je vous l'apprends. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h07 sur France Culture, nous avons la chance et le privilège d'avoir avec nous en ligne deux prix Nobel de physique 2019, Michel Mayor et Didier Queloz, pour la découverte de l'observation de la première exoplanète 51 Pegasi B. On va revenir avec vous, on va remonter un peu le fil de l'histoire qui amène jusqu'à ces travaux, les vôtres, qui ont été récompensés par le prix Nobel. Comme je le disais dans l'introduction de cette émission, l'idée qu'il y ait d'autres planètes dans l'univers, c'est une idée qui est arrivé très tardivement, Michel Mayor. Oui et non. Il y a eu dans l'Antiquité des tas de philosophes, de théologiens qui parlaient de la pluralité des mondes habités dans l'univers. Donc cette idée était présente depuis plus de 2000 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où les astrophysiciens sont entrés en lice, eh bien, ils se basaient un peu sur les remarques de Kant et de Laplace, à savoir que la formation d'un système planétaire se fait dans un disque. Toutes les planètes tournent dans le même sens, dans un même disque. Et on ne savait pas au début du XXe siècle comment de tels disques pouvaient exister. La seule théorie qui existait, c'est une théorie de collision proche de deux étoiles, montrait que ça n'avait aucune probabilité que ça se passe. Donc les astronomes ne pensaient pas qu'il y ait d'autres systèmes planétaires dans la galaxie, ou alors que le nôtre, ou alors vraiment un très, très, très petit nombre. Et ça a duré jusqu'au milieu du XXe siècle, où tout d'un coup, en une année, les idées changent, et on passe de zéro ou quelques-uns à 10 milliards, 100 milliards, et voilà. Et donc ça, c'est un changement majeur dans les idées, et il se trouve, ce changement est conforté par un physicien qui remarque que les étoiles comme le Soleil tournent anormalement lentement. Et si elles se forment par effondrement de gaz, elles devraient tourner très très vite. Et il dit, ça c'est là l'explication de ce que l'on cherche. Cet excès de rotation doit se trouver dans un disque de gaz. Et il avait tout juste. C'était Ostrostrud en 1952, et il va beaucoup plus loin. Il dit, on pourrait chercher ces planètes en regardant osciller la vitesse des étoiles. Presque 40 ans après, eh bien, c'est ce qu'on en a fait. Avant d'arriver à Autostrouve, il y a un autre auto, on va y revenir. Il y a déjà, on a retrouvé des citations d'Edwin Hubble en 1924 qui commence à dire, la communauté scientifique suppose depuis longtemps que si les étoiles sont des soleils et réciproquement, et que le soleil héberge des planètes, alors il est fort probable que les autres étoiles hébergent elles aussi, excusez-moi pour la liaison dangereuse, des planètes. Didier Queloz, il y avait tout de même une intuition que on allait finir à un moment donné par trouver la piste de ces petits astres qu'il était quasiment impossible d'observer, en tout cas de concevoir une observation technique au tout début du XXe siècle. Vous savez, ce que vous devez réaliser, c'est que maintenant on a, c'est évident, on a une idée de l'univers, on a une idée des galaxies, mais c'était pas le cas au tout début du XXe siècle. Il y a un épisode fameux qui s'appelle le Grand Débat, où en fait on va débattre sur les distances qui sont liées à ces objets qu'on appelle des nébuleuses planétaires, qui vont être les galaxies. Donc en fait, notre positionnement en termes de où est et quoi, quels sont les différents objets en présence, c'était relativement confus. Vous mentionnez que l'identification des étoiles comme étant d'autres soleils, c'est l'identification que les gens avaient fait, mais la compréhension simplement de comment le soleil marche, c'est quelque chose qui est relativement récent. Donc, la question de l'origine des planètes, c'était une des multiples questions qui était du même type que comment expliquer l'âge du système solaire, comment expliquer la taille de l'univers, tous ces éléments-là. Donc on est dans ces questionnements de fond qui font que, au fur et à mesure du développement des techniques d'observation, principalement l'émergence des grands télescopes, on va progressivement avancer et on va se positionner et on va commencer à poser les questions différemment. Donc il faut toujours réaliser le niveau de connaissance qu'il y avait il y a 50, 60 ans sur ces questions qui maintenant paraissent évidentes mais qui ne l'étaient pas du tout à l'époque. Il y a une toute première en 1943, une équipe américaine qui annonce la découverte d'une exoplanète. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi cette toute première annonce qui s'avérera finalement a posteriori être un faux, Didier Queloz? Alors, ce qui va se passer, c'est que l'idée que une planète peut être détectée en regardant le mouvement qu'elle induit sur une étoile est une idée très très ancienne parce qu'elle découle directement des lois de Newton qui étaient connues. Et en fait, la question, c'était quelle technique utiliser pour faire cette découverte. Et l'idée de ces gens, ça a été d'utiliser ce qu'on appelle l'astrométrie. Donc, c'est la position physique des étoiles dans le ciel. Et il y a eu des tentatives de mesures systématiques d'étoiles extrêmement proches. Et il y a eu un nombre d'annonces relativement spectaculaires qui ont été faites. Ça a commencé juste avant la guerre, ça s'est continué après-guerre aux États-Unis, qui se sont toutes révélées erronées. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient observé la variation de leur instrument et non pas la variation des étoiles. Et cette idée de pouvoir chercher des planètes en observant les étoiles, on le retrouve à peu près au début de cette époque. Alors, c'est peut-être intéressant maintenant de faire un petit point justement sur les différents types de méthodes d'observation, parce qu'il y a celle que vous venez d'évoquer, Didier Queloz, qui est la méthode des vitesses radiales. Peut-être qu'on peut l'expliquer, puisque c'est grâce à celle-là que vous allez tomber sur 51 Pégase B. Michel Mayor, qu'est-ce que c'est que cette méthode des vitesses radiales? Comment est-ce qu'on, grâce à cette méthode, on peut réussir à discerner sans voir précisément qu'il y a une planète autour d'une étoile? Bon, l'idée est relativement simple, à savoir que quand il y a une planète qui tourne autour de l'étoile, c'est un peu un abus de langage, en fait la planète tourne autour du centre de gravité du système. Et donc l'étoile elle-même tourne aussi légèrement autour du centre de gravité. Donc si on a un instrument suffisamment précis, on peut voir osciller les étoiles en position sur le ciel parce qu'elles tournent. Les planètes les perturbent dans leur mouvement. Alors on peut soit mesurer les changements de position, c'est l'astrométrie, ou on peut mesurer les changements de vitesse, et c'est ce que l'on a fait, l'effet Doppler. Et en fait, au début, les premiers travaux dans les années 40 et après, du siècle dernier, eh bien, cherchaient à avoir des oscillations des étoiles proches. Et en fait, c'était un échec parce que la précision des instruments n'était pas suffisante. Et puis nous, on a démarré cette technique d'effet Doppler, de chercher, de voir mesurer, chercher les variations de vitesse des étoiles. Et ceci a été donc déjà proposé dans les années 50, par Struve. Mais dans les années 80, il y a plusieurs groupes sur Terre qui ont cherché à développer des techniques. Parce que la difficulté de cette technique, c'est la variation de vitesse est extrêmement petite. Les planètes sont très légères comparées aux étoiles. Donc, l'étoile oscille très peu autour du centre de gravité du système. Et donc, il fallait développer des spectrographes qui soient capables de mesurer des variations très petites des vitesses. Alors voilà, ça c'était la difficulté, des difficultés techniques. Il y a eu les Canadiens, qui ont deux Canadiens, qui ont commencé les années 80 à chercher à mesurer par une technique un peu différente de la nôtre. Ils n'ont pas eu de succès parce qu'ils avaient un très petit échantillon. Il y a eu des Californiens qui ont aussi essayé, aussi, qui n'ont pas eu de succès à ce moment-là. Ils les ont eu après. Voilà. Donc il y a plusieurs groupes qui ont cherché différentes recettes techniques pour construire des spectrographes très, très, très précis. Et on va revenir sur celui que vous avez installé à l'Observatoire de Haute-Provence dans un instant. Peut-être qu'on peut dire, parce que cette méthode des vitesses radiales, ce n'est pas la seule, il y a aussi une autre méthode qui est utilisée très couramment aujourd'hui, qui est la méthode des transits. Didier Queloz, vous pouvez nous en dire un mot et dire pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, la méthode des transits, celle qui est peut-être la plus simple à se figurer, hein, c'est de voir en quelque sorte la luminosité varier quand la planète passe devant l'étoile, hein, donc une ombre en quelque sorte. Pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, cette méthode était très peu utilisée ? Alors, pour une raison relativement simple, et c'est parce que la probabilité d'un transit dépend de la distance entre la planète et son étoile. En gros, plus la planète est éloignée de son étoile, plus l'alignement doit être parfait pour avoir un transit. Et comme l'idée était que les planètes géantes, donc comme Jupiter, se trouvaient toutes relativement éloignées de leurs étoiles, la probabilité de tomber sur un alignement parfait qui crée un transit était tellement négligeable que personne n'avait vraiment envie de se lancer dans une recherche de transit. Pour rendre le transit efficace, il faut que la planète soit relativement proche. Et ça, c'est un peu la magie. C'est le coup de chance, c'est le coup de pouce de la nature, quelque part. C'est que la nature crée, on allait le découvrir plus tard, une quantité absolument énorme de planètes, non pas à des distances éloignées des étoiles, mais relativement proches, même extrêmement proches dans le cas de 51 Beg. Et la probabilité qu'une planète de type Jupiter, mais très proche, comme 51 Beg HB, ait un transit, est de l'ordre de 10%. Donc en gros, si vous avez 1% de chance d'avoir ce genre de planète, et puis vous avez 10% d'avoir un transit, ben vous observez un millier d'étoiles et vous tombez sur un transit. Et c'est pour ça que le transit a été tellement spectaculaire, c'est parce qu'il y a une population énorme de planètes à très courte période. C'est pour ça qu'il y a tellement de planètes trouvées par transit. Et alors, ce qui est intéressant, on va arriver donc aux années 80, à ce que vous évoquiez, Michel Mayor, à l'époque, vous le disiez, il y a eu une dizaine d'équipes qui tentent justement cette percée instrumentale, celle que vous allez effectuer. Vous travailliez à l'époque à l'Observatoire de Haute-Provence. Il paraît qu'on parlait de le fermer, cet Observatoire de Haute-Provence, qui était pourtant dans les années 50, peut-être l'un des fleurons ou l'un des meilleurs observatoires. Je vous propose de réécouter cet archive qui en parle justement. On a choisi la Haute-Provence d'abord parce que la nébulosité y est plus faible que dans la plupart des régions françaises. D'autre part, la situation de la région de Fort-Calquier s'est montrée favorable, peut-être pas plus que d'autres régions aux alentours, au point de vue astronomique pur, mais parce qu'on pouvait y disposer de plateaux suffisamment étendus pour y construire un observatoire important. Et alors, depuis un quart de siècle, par conséquent, vous travaillez ici. Dans quel ordre de recherche astronomique êtes-vous spécialisé ? L'Observatoire de Haute-Provence est spécialisé dans les recherches d'astrophysique, c'est-à-dire dans celles qui s'occupent de la constitution physique des astres, de la spectroscopie des étoiles, et non pas dans l'astronomie de position, qui peut être poursuivie dans des établissements situés près des grandes villes et avec des instruments de plus faible diamètre. Voudriez-vous nous donner précisément des détails sur l'outillage dont vous disposez ? Nous disposons actuellement d'un télescope de 81 cm et d'un télescope de 120 cm d'ouverture, et en outre d'une table équatoriale qui porte des instruments divers, comme un prisme objectif pour la spectroscopie de champ stellaire étendu et un nouveau télescope Schmidt à grand champ. Dans un proche avenir, dans quelques années, nous disposerons d'un télescope de 193 cm d'ouverture dont le miroir existe actuellement et dont la monture est en construction. Voilà, nous sommes en 1950, c'est la voix de Jean Dufay qui est à l'époque le directeur de cet observatoire de Haute-Provence. Une réaction peut-être à cette archive, Michel Mayor, Didier Queloz. Michel Mayor ? Oui, comment dire, je cherchais pendant, en écoutant cette interview, qui parlait. Et en fait, parce que je suis arrivé à l'Observatoire de Haute-Provence très peu de temps après qu'il soit décédé, du fait. En fait, le directeur qui l'a suivi, c'était Charles Fehrenbach. Et donc, voilà, c'était très intéressant pour moi de me replonger dans cette époque-là, où le télescope de 193, donc de presque 2 mètres de diamètre, n'existait même pas, le télescope que l'on a utilisé pour découvrir Cinquantea Pégase. Et peut-être pour revenir à votre question d'abord, donc des années 80, en fait, déjà avant, dans les années 70, eh bien, on avait développé avec un opticien de Marseille, André Baran, on avait développé un spectrographe qui utilisait exactement le même type de technique, qui essayait de concentrer toute l'information de milliers de rayons d'atomiques pour mesurer très précisément la vitesse des étoiles. Et donc, ça a été le premier précurseur de cette famille d'instruments qui a commencé en les années 70 et puis qui se termine maintenant, enfin, avec des instruments 3000 fois plus précis. Didier Queloz, un mot peut-être sur l'archive et puis plus généralement sur cette époque. Vous êtes l'étudiant de Michel Mayer, vous faites votre thèse avec lui. Comment ça s'est passé et comment il vous a présenté ses premiers travaux justement pour essayer d'élaborer ce spectrographe très précis que vous nommerez Élodie, vous nous direz pourquoi, et pour augmenter finalement la précision de cet appareil. Pour moi, je trouve cette archive géniale parce que quelque part, ça... Ça rappelle une époque que moi j'ai jamais connue, qui est l'époque qu'on va qualifier de grandiose de l'Observatoire de Haute-Provence. Moi, je découvre l'Observatoire de Haute-Provence dans les débuts des années 90, donc l'observatoire est déjà en décrépitude, mais on ressent quand on est sur place, de par le fonctionnement, de par les bâtiments, la richesse du lieu, qu'il y a eu une histoire énorme et qu'il y a plusieurs instruments qui ont été mentionnés qui m'ont fait sourire, comme le Schmidt, Prisma Objectif, toutes ces choses-là que moi j'ai jamais vu fonctionner, mais je les ai vues quand j'étais là-bas. Donc c'était très agréable. Alors c'est vrai que en 1990, il y a un nouveau type d'instrument qui est en train de se développer. C'est un énorme saut pour l'Observatoire de Haute-Provence, parce que il décide d'avoir un instrument moderne, très moderne, même extrêmement moderne, qui est un spectrographe de très haute résolution, qui est alimenté par fibres et qui est stabilisé. Il y en a très peu qui existent. Il y a qu'un seul exemplaire dans le monde et peu équivalent qui va être développé du côté américain, qui s'appelle AFOA. Mais Élodie fait partie d'une génération. Elle suit un peu l'intérêt de Michel pour la mesure des vitesses radiales et la recherche des petits objets, qui avait commencé 20 ans avant, comme il l'a mentionné, avec le Coravel. Mais là, on se place dans un monde technologique qui est une vraie révolution. On parle de détecteurs électroniques de type CCD, on parle de fibres optiques, on parle d'instruments qui sont stabilisés et posés sur des tables optiques stables. Donc on est vraiment dans un nouveau domaine, et ce type d'instrument, en fait, là, on a le premier exemplaire de toute une génération d'instruments qui va être développé par la suite avec des précisions grandissantes et qui vont trouver des centaines de planètes. Alors, replongeons un peu justement à cette époque. Vous avez ces mots d'ailleurs que je trouve assez amusants, Didier Queloz, sur le début. On va voir que peut-être vous cherchiez pas exactement une planète, peut-être quelque chose d'un peu différent, mais vous dites qu'il faut bien garder, Didier Queloz, en tête qu'à l'époque, il n'y a pas d'exoplanète, il n'y a que des erreurs. Oui, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est important de se rappeler. Il faut se rappeler que, vous l'avez mentionné, que la quête des exoplanètes est une quête qui date à peu près, on va dire, de l'après-guerre. Et on peut suivre un nombre d'annonces qui ont été démenties spectaculaires. Ça veut dire que la perception de la communauté, c'est que ce domaine est quelque part un domaine un petit peu maudit. Et il n'y a personne, en gros, qui est dans ce domaine, à part quelques excentriques. Donc nous, on rentre dans le domaine, je dirais, par une porte qui est intéressante parce qu'elle permet beaucoup de flexibilité. C'est la porte supérieure. On vient du côté des étoiles. Donc on s'intéresse à tout ce qui tourne autour d'une étoile. Et à l'époque, il y avait quelque chose qui était relativement, on va dire, classique. C'était ce qu'on appelle les naines brunes. Donc Michel Mayer avait déjà fait un nom dans la découverte des naines brunes des années auparavant. Et quelque part, l'idée, c'est de descendre plus bas dans cette direction. On descend de la plus petite naine brune. Et quelque part, on arrive vers le domaine des planètes. Donc, on arrive quelque part par les planètes, non pas de manière obsessive en disant « on va trouver des planètes ». On arrive quelque part avec une ouverture d'esprit dans le cadre d'une recherche plus générale qui concerne à trouver tout ce qui tourne et qui est petit autour d'une étoile. Et c'est probablement une partie du succès du programme. Michel Mayor, alors justement, peut-être rappeler à nos auditrices et nos auditeurs ce que c'est qu'une naine brune et pourquoi est-ce que vous vous intéressez particulièrement à ces objets? Pourquoi est-ce qu'ils sont peut-être plus faciles ou il est plus facile d'envisager qu'on va pouvoir les observer que des planètes à l'époque? Peut-être il faut se rappeler justement sur ce que dit Didier, à savoir que le domaine de la recherche stricte des exoplanètes était mal vu. Et par exemple, vous voyez les précurseurs que sont Campbell et Walker au Canada, en fait, ont eu énormément de peine à obtenir du temps au télescope franco-canadien à Hawaï. Ils obtenaient 6 à 8 nuits par année. Oui. C'était incroyablement peu pour détecter des planètes. Et donc, dans ce contexte-là, il était aussi difficile de cibler la totalité de notre programme que sur cet objectif-là, puisque la théorie nous disait que les planètes géantes, style Jupiter et autres, ne pouvaient avoir des planètes, des périodes que plus longues que 10 ans. Et donc, c'est très peu motivant de démarrer un projet en se disant on aura peu de temps, sera difficile de l'obtenir, et en plus, on aura les résultats que dans plus de 10 ans. Et donc, on a plutôt préféré fait définir un programme, parce qu'on doit demander le temps, c'est pas du tout garanti, on doit se battre pour convaincre les comités que ça vaut la peine de faire ce genre de démarche d'observation, eh bien, c'était d'explorer tout le domaine des compagnons les plus légers qui tournent autour des étoiles. Mmh. Et parmi ces compagnons, il y avait les naines brunes. Les naines brunes, c'est des tout petites étoiles, plus légères qu'environ 8% de la masse du Soleil, qui sont trop légères pour amorcer les réactions nucléaires dans leur cœur. Et donc, c'est des étoiles, elles sont formées comme des étoiles, mais elles n'ont pas de réactions nucléaires dans leur cœur, donc ne sont pas lumineuses, elles ne rayonnent pas. Et donc, à l'époque, en fait, c'était des objets encore extrêmement, qui n'était pas découvert. La première naine brune qui a été découverte a été aussi découverte en 94. Donc, en fait, c'était des objets théoriquement supposés, mais qui étaient aussi des objets extrêmement chauds. Et donc, on a ciblé notre programme sur la découverte des compagnons de très petite masse, naine brune ou planète géante. Et dans notre esprit, on se disait, les naines brunes ont peut-être des périodes beaucoup plus courtes, donc c'est les premiers objets qu'on va découvrir. On misait pas tout uniquement sur les planètes, mais on visait sur les deux objets, les deux domaines, et en fait, ça a été la bonne décision, puisque d'une part, notre échantillon d'étoiles, comme le Soleil, était large, était grand, donc on augmentait nos chances de découverte, et d'autre part, on ne se focalisait pas sur des très, très longues périodes. Mmh. Parce que autrement, si vous voulez trouver des oscillations de 10 ans, il n'y a pas besoin de faire des observations tous les jours. On se dit, et en faisant quelques-unes par année, il aurait suffi. Et donc, le fait de chercher aussi des objets qui tournent rapidement, éventuellement naines brunes, eh bien, on visait juste. Et c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi est-ce que vous avez braqué ce télescope, enfin ce spectrographe plus précisément, Elodie, sur ce télescope d'un mètre 93, vers cette constellation, vers la constellation de Pégase et vers 51 Pégase en particulier? Vous aviez, disons, un pool d'étoiles que vous surveillez. Comment ça s'est passé exactement, Michel Mayor? Alors, on avait mené avec le précédent, donc le spectrographe Coravel, un très très grand programme sur 15 ans à peu près, d'étudier justement toutes les étoiles multiples. En fait, ces étoiles multiples, donc deux étoiles qui se tournent autour, trois étoiles qui se tournent autour, ont des excentricités, des rapports de masse, des périodes qui sont des traces fossiles des mécanismes de formation des étoiles. Donc c'était à l'époque, c'était ça qui nous intéressait. Et comment dire, en faisant ce travail, on avait découvert un certain nombre d'étoiles, comme notre Soleil, qui n'avaient apparemment pas de compagnons. Et donc, on a dit, pour se simplifier la vie, on démarre déjà en mesurant les variations de vitesse de ces étoiles apparemment simples. Et c'était 142 étoiles comme notre Soleil. Et donc, on n'avait pas d'a priori de s'intéresser plutôt à une qu'à une autre. Le processus était simplement, on mesure la première étoile, la deuxième, etc. Quelques nuits après, on recommence la première, la deuxième, etc. Et c'est seulement la découverte de ces points en un instant, c'est seulement l'analyse de plusieurs mesures sur une certaine durée qui nous dit, tiens, celle-ci-là est anormale. Et tout ça arrive, alors on retient le 6 octobre 1995 parce que c'est le moment où vous annoncez cette nouvelle, mais en fait la première observation date d'un an avant, nous sommes en 1994 et on va y arriver dans un instant. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Across the Universe, non pas des Beatles, mais de Rod LaGrove, pour changer un peu, puisque nous partons, nous voyageons dans l'univers grâce à nos deux invités du jour que nous sommes encore une fois de plus ravis de recevoir aujourd'hui, Michel Mayor et Didier Queulot, tous deux prix Nobel de physique en 2019 pour la découverte de la première exoplanète de l'histoire de l'astrophysique, 51 Pégase B. Michel Mayor, astrophysicien et professeur honoraire à l'université de Genève, astrophysicien à l'Observatoire de Genève évidemment, et Didier Queulot, astronome, professeur à l'Observatoire de Genève et à l'université de Cambridge. Alors, bien, racontez-nous, messieurs, 1994, qu'est-ce qui se passe à l'Observatoire de Haute-Provence? Quels sont les premiers résultats que vous obtenez auxquels, au début, vous ne croyez pas vraiment, en fait? Vous cherchez à les expliquer de toutes les manières possibles avant de conclure que, bien, il n'y a plus d'autre choix maintenant, et c'est certainement bien une planète, Michel Mayor. Oui, donc il faut bien voir qu'une telle découverte ne se fait pas en un jour. En fait, c'est seulement l'accumulation de mesures sur plusieurs périodes d'observation qui finalement révèle qu'il y a quelque chose d'énormal qui se passe. Juste pour situer, on avait demandé du temps, une semaine de télescope tous les deux mois. Et donc, c'est ce qu'on avait obtenu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites une première semaine quelques mesures. Vous n'avez pas à vous focaliser sur une étoile spécifique. Et puis après, vous attendez deux mois. Et puis sous là, peut-être qu'il pleut un peu. Et vous refaites une ou deux mesures, etc. Donc ça émerge relativement lentement. Et donc on commence en avril de 94. Et déjà dans la fin de cette année, on a acquis un certain nombre de mesures. La précision est bonne. Et il y a une étoile de cet échantillon qui montre des signes de variabilité. Et là, comment dire, on se rappelle toutes les mauvaises découvertes qui sont faites dans le domaine et on se dit, attention, n'ajoutons pas une mauvaise découverte en plus, d'autant plus que cette variation de 4 jours est d'un facteur 1000 trop rapide par rapport à ce que la théorie nous prédit. Et donc, il y a un réflexe nécessaire de recul, de prendre du recul pour dire est-ce que ce n'est pas un autre phénomène physique. Alors, quels sont les autres phénomènes physiques qui peuvent se présenter? Eh bien, par exemple, si vous avez des taches ou des phénomènes magnétiques comme on les connaît à la surface d'une étoile et que cette étoile tourne en 4 jours, eh bien, on aura des variations apparentes de la vitesse qui sont absolument pas liées à une planète, mais liées à l'activité magnétique de l'étoile. Voilà. Ça, c'est une des possibilités. Il y aurait eu théoriquement d'autres possibilités, comme la pulsation de l'étoile. On sait qu'il y a beaucoup d'étoiles qui pulsent. Donc, prudence, prudence, on décide d'attendre l'été juillet 95 pour se dire, on a de nouveau une semaine de ton télescope, l'étoile réapparaît dans le ciel, et à ce moment-là, on la mesure évidemment en priorité, et qu'est-ce que l'on voit? Qu'elle suit parfaitement l'éphéméride prédite sur les mesures de l'année précédente. Et c'est à ce moment-là, première semaine de juillet 95, que l'on se dit, oui, on a découvert une planète, et on s'en sent l'eau, on rédige le papier pour le soumettre à la revue Nature. Didier Queloz, vos souvenirs justement de cette période entre avril 94 et juillet 95? Oui, c'était une période qui était riche en émotions, si j'ose dire. Bon, ce qu'il faut réaliser, maintenant, c'est vrai, maintenant on voit ça avec beaucoup de recul et on voit toutes ces planètes, mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on met en service un instrument qui est simplement totalement révolutionnaire. Tout est nouveau dans cet instrument. On n'a aucune expérience. Aucune. Toutes les expériences du passé sont totalement inutiles. On est dans une nouvelle technologie, on est dans des nouveaux softwares, on est complètement dans un nouveau monde. Vous pouvez imaginer ma surprise quand, au mois de janvier 1995, quand, après avoir fait 4 mesures, cet objet qui était bon, un petit peu étonnant, mais rien de spectaculaire, tout d'un coup, il y a un point de mesure qui est complètement différent des autres. À ce moment-là, moi, ma réaction instinctive, c'est de paniquer et je me dis vraiment, il y a un gros problème quelque part. Évidemment, à aucun moment, j'imagine qu'il y a une planète. Par contre, j'imagine surtout qu'il y a un bug quelque part dans l'instrument. Et ça devient un tout petit peu une obsession pour une raison très simple. C'est que moi, à la fin de l'année, j'ai ma thèse à défendre et que cet instrument fait une partie très importante de ma thèse. Et quelque part, ça fait un tout petit peu désordre de trouver un bug de ce niveau-là sur une étoile pareille. Alors ça, c'est quelque part là. Quelque part, le coup de chance qu'on a, c'est qu'on on a construit un instrument qui fait des mesures pour lequel on a des résultats, quelque part, relativement vite. On n'a pas à attendre très longtemps. Et puis, on a cette étoile, on a mesuré cette étoile. On a une centaine d'étoiles, on en a 140, 142. Ben voilà, c'est une de ces étoiles qui a été mesurée, un peu plus que les autres, parce qu'on aimerait avoir un échantillon de référence. Et ça devient un peu une obsession et je bataille avec cette étoile en l'observant le plus possible tous les jours. À ce moment-là, je suis seul au télescope. Michel est à Hawaï en sabbatique et j'ai trop honte de lui raconter ce qui se passe parce que simplement, je suis absolument convaincu qu'il y a un problème. À aucun moment, j'imagine qu'il y a une planète. Il faudra attendre le mois de mars où là, il y a une certaine logique qui commence à apparaître dans les données. Puis après, on applique les bons réflexes scientifiques, on essaie de trouver de l'ordre dans le désordre. Je réalise qu'il y a une période, la période a l'air de tenir. Aucun autre effet est observé sur les autres étoiles. Pour moi, cet effet est unique, il est lié à cette étoile. L'instrument est effectivement stable et j'en conclus qu'il y a peut-être une planète à 4 jours autour de cette étoile. Et c'est là que je communique à Michel, je pense que j'ai trouvé une planète. Vous pouvez imaginer la réaction de Michel, qui était relativement positive, je dois dire, vu le contexte, mais qui était quand même sceptique pour une raison évidente, c'est que le domaine était absolument nourri par des fausses annonces et qu'une planète de 4 jours, ça n'entre pas dans le schéma qu'on a à ce moment-là. Et donc c'était vraiment un moment relativement étrange où on a l'impression qu'on vit quelque chose d'extraordinaire, mais on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. C'est ça, parce que finalement, ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît dans le système solaire, Michel Mayor. 4 jours, je ne sais pas. Alors, j'ai pas les rythmes exacts de chacune des planètes du système solaire, mais enfin, la plus rapide, ça doit être Mercure, non? Voilà. Mais c'est plusieurs mois déjà. C'est déjà plusieurs mois, oui, c'est ça. Donc 4 jours, ça paraît insensé. Scoop, la Terre, c'est une année. Oui. Voilà. Donc voilà, cet objet est très très étrange et. En fait, on peut dire en quelques mots, sans faire un cours de physique, pourquoi la théorie nous prédisait des planètes géantes comme Jupiter de très longues périodes. Parce que pour former une planète, il faut agglomérer des grains d'abord de silicates, des cailloux, et puis, ou des grains de métaux. Mais il n'y en a pas beaucoup dans ces disques autour des étoiles, et donc on n'arrive pas à former des très grosses planètes. Pour former des grosses planètes, il faut encore accréter, donc agglomérer des grains de glace. Et la glace, elle n'est pas tout près des étoiles. Et donc, on peut calculer la distance de cette ligne des glaces, c'est-à-dire la ligne où, au-delà de laquelle il y a des glaces, et ça correspond à peu près à 5 fois la distance Terre-Soleil. Et donc, c'est de là que venait cette idée, à savoir que les planètes géantes ne peuvent exister que sur des longues périodes. Et donc, nous, on trouve un objet à 4 jours. Et donc, où est la faute? Où est la faute? Et en fait, bon, nous, on a publié parce qu'on y croyait, nos données. On avait rejeté toutes les hypothèses alternatives. Mais le fin mot de la formation de telle planète a été donné très vite, une semaine après, a été soumis dans un papier à Nature aussi, par des Américains, Lynn Bodenheimer et Richardson, qui connaissaient le fait qu'une jeune planète plongée dans un disque de gaz et de poussière va changer d'orbite et se rapprocher de l'étoile centrale. Et donc, l'explication, la bonne explication, a été donnée très vite, et ça a été le départ, d'après d'une chasse à toutes ces planètes de courte période, qui a été évidemment poursuivie, entre autres, par nos collègues de Californie. Ce sont les fameux Jupiter chauds, hein, dont 51 Pegasi b est une première découverte. Ce qui est intéressant, si on se replonge un peu à l'époque, c'est que après justement la publication de votre papier dans Nature, cette annonce, et on va dire en utilisant un euphémisme, est accueillie assez fraîchement, Didier Queloz. Oui, ben c'est normal. Vous pouvez imaginer que moi, j'ai dû passer à travers tous mes états pour arriver à être convaincu qu'il y avait quelque chose. Michel a fait son propre chemin aussi pour être convaincu qu'il y avait quelque chose. Je vous ai raconté, ça a pris un certain temps. C'est un gros poisson à avaler. Hein. Vous avez une théorie de la formation planétaire qui fonctionne bien et qui explique relativement bien les planètes du système solaire, avec beaucoup beaucoup de données, hein, des sources de données énormes qui valident cette théorie, mais et tout d'un coup cette théorie ne marche pas. Donc vous arrivez devant une situation en physique qui est une sorte de crise où vous avez une théorie solide et vous avez des données qui ne fonctionnent pas avec la théorie. Donc en général, ce qui se passe en physique, c'est que vous essayez de trouver l'erreur dans les données, vous n'allez pas remettre en cause la théorie. En l'occurrence, les données ici, elles étaient bonnes. Il a fallu un certain temps pour qu'ils en réalisent que la théorie n'était pas si catastrophique que ça, simplement on avait oublié des morceaux. Et vous savez, ce qui est vraiment fascinant dans cette histoire, c'est qu'on trouve le papier originel qui mentionne cette migration que Michel cite. En fait, il y a un papier qui date des années 80, où des gens avaient déjà suggéré ce mécanisme pour les satellites de Saturne, en l'occurrence, mais ils font le calcul dans leur papier, et ils mentionnent que si ça se passait aussi dans le système solaire, alors les planètes pourraient aussi se déplacer dans le système solaire. Vous savez, c'est fascinant en science de voir qu'il y a des choses qui apparaissent, des idées qui apparaissent, qui disparaissent, et il faut qu'il y ait un fait majeur pour que le fait redevienne tout d'un coup sous la lumière du jour. Bien sûr, et puis c'est intéressant, alors on n'aura pas le temps d'y revenir aujourd'hui, mais on a consacré déjà des émissions à cette question, que le modèle de Nice, le grand axe, ça a permis de repenser finalement la façon dont le système solaire s'est formé, avec effectivement un déplacement des planètes de Jupiter et de Saturne qui n'étaient pas au début de la formation du système solaire à l'endroit où elles sont aujourd'hui. Mais ça n'est pas le thème de notre émission. On va vous mettre un lien tout de même vers cette émission sur la formation du système solaire sur le fil Twitter @laméthodefc. Alors ça ouvre donc évidemment votre découverte ouvre un champ immense aujourd'hui. Alors on est, je crois, et je parle sous votre contrôle, messieurs, à 4000 exoplanètes authentifiées, 2500 qui sont en attente d'homologation. Ça nous permet surtout de nous dire que notre système solaire à nous est très particulier et que bien toutes les exoplanètes que l'on va découvrir vont elles-mêmes être très différentes de ce que l'on connaît ici. Notamment, on l'a pas encore mentionné, mais cette exoplanète 51 Pegasi b, elle est très très très proche de son étoile, beaucoup plus proche que Mercure ne l'est de notre Soleil, Michel Mayor. Oui, elle est à 8 centièmes, c'est-à-dire au 5 centièmes, je veux dire. Donc elle est 20 fois plus proche de l'étoile que la Terre n'est du Soleil. Donc on voit bien qu'elle est extrêmement proche de son étoile. Ceci dit, ça veut dire aussi immédiatement qu'elle est extrêmement chaude. Donc c'est pas là qu'il faut aller passer vos vacances. La température est plus de 1000 degrés, donc on oublie toutes les questions de vie sur une telle planète. Alors, après, une chose qui est peut-être intéressante, c'est de voir justement le débat scientifique qui a pris corps à ce moment-là. D'abord, il y a des gens qui ont dit non, non, mais ça c'est une nouvelle forme de physique, une nouvelle type de pulsation qu'on connaît pas encore, etc. Il y a eu des gens qui ont dit non, mais c'est l'orientation de ces orbites dans le ciel, etc., etc. On a été soumis à une pluie de plusieurs papiers qui mettaient en doute la nature de cette découverte. Bon, il faut quand même remarquer qu'en parallèle, en début 96, Jeff Marcy et Paul Butler arrivent avec d'autres planètes qui sont aussi étranges, aussi à courte période, certaines. Et donc, notre 51 Pégase n'est plus seul. Et ça, je pense que c'est un phénomène majeur, parce que s'il y avait eu que cet objet-là et plus rien pendant 25 ans, je pense qu'on n'en parlerait pas du tout aujourd'hui. Mmh. C'est parce que tout d'un coup, il y a d'autres objets, un grand nombre, qui sont arrivés, qu'on dit, voilà, maintenant, un, on sait comment les découvrir, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croyait avant, on découvre ce qui s'appelle la diversité des systèmes planétaires. Ils sont pas comme le nôtre. Oui, il y en a peut-être qui sont comme le nôtre, mais un grand nombre sont très différents. Des orbites, des périodes extrêmement courtes, maintenant on en trouve de quelques heures, des planètes, on trouve des orbites extrêmement allongées, alors que dans le système solaire, elles sont pratiquement circulaires, etc. On peut prédire l'existence de planètes faites comme de l'eau des planètes océans, etc. Donc voilà, on découvre que la compréhension de la formation des systèmes planétaires et donc de notre propre système planétaire, eh bien, c'est une longue histoire. Vous-même, Michel Mayor, dans les mois qui suivent, hein, vous en observez trois autres. Oui, on en a trouvé dans les mois qui suivent 51 PEG. Non, c'est venu plus tard, nos propres découvertes. Les premières planètes qui sont venues sont en 96, c'est Marcy Butler. Ah, je crois qu'on vient de perdre Michel Mayor. Didier Queloz, êtes-vous encore avec nous? Oui. Bon, j'étais en train de transpirer un petit peu en me disant qu'est-ce que je vais raconter si je me retrouve tout seul. Peut-être vous pouvez embrayer justement sur cette, sur non seulement ce que ça a changé. On a bien compris que c'était vraiment une sorte de bousculement paradigmatique très très important dans la conception de la formation des systèmes solaires. Mais effectivement, très vite, bien les nouvelles découvertes, les nouvelles exoplanètes s'enchaînent les unes après les autres. Oui, ce qu'expliquait Michel, c'était que, en fait, 51 PEG, ça a été un tout petit peu le prophète qui allait annoncer une véritable révolution et une avalanche d'autres planètes, tout aussi étranges les unes que les autres, parce qu'elles sont justement différentes de celles du système solaire. Et moi, ce que j'explique, c'est qu'on est quelque part en train de vivre maintenant au 21e siècle, ce qui a été vécu dans le passé au cours de la révolution copernicienne. On a quelque part déplacé la Terre du centre de l'univers pour le mettre comme une planète parmi un système d'autres planètes. Et bien maintenant, on est en train de déplacer le système solaire parmi les innombrables diversités des autres systèmes qui existent dans l'univers. Donc évidemment, se pose la question... Donc, comment se fait-on qu'on arrive à former un système planétaire comme le nôtre quand on le compare à la diversité de ces planètes, dont celles qui sont en orbite extrêmement proches. Et puis, une question qui est derrière cette question-là, c'est est-ce qu'on a besoin d'un système strictement comme le nôtre pour permettre à la vie d'évoluer? Donc, on a vraiment ouvert, quelque part, une nouvelle perspective sur notre place dans l'univers. Mais alors, justement, maintenant, maintenant qu'on a cette connaissance, d'exoplanètes à foison, à quoi ressemble, en fait, ce que serait, si tant est qu'on puisse employer cette terminologie-là, mais un système solaire classique ou moyen ou médian par rapport au nôtre, en fait, le nôtre étant très, a priori, exceptionnel. Michel Mayor, puisque vous êtes de retour parmi nous. Bon, d'abord, remarquons que si l'on observait l'équivalent du système solaire, on serait très embarrassé, parce que les instruments actuels de vitesse radiale ne permettraient de découvrir aisément Jupiter, mais c'est quand même plus de 10 ans de période, donc il faut quand même avoir plusieurs années de mesure, et puis on aurait une dérive très lente de la variation liée à Saturne, qui a une période de 30 ans. Donc, il faut voir qu'actuellement, on aurait découvert qu'une planète et une petite anomalie qui nous dit qu'il y en a peut-être une deuxième. Donc, voilà. Donc, avant d'affirmer qu'il n'y a pas de système équivalent au système solaire, il faut être prudent. Bien sûr. Donc, je pense qu'il y en a probablement beaucoup qui sont du même acabit, mais simplement, on ne peut pas les découvrir. Alors, maintenant, pourquoi les gens s'intéressent à des systèmes un peu comme le nôtre? Eh bien, évidemment, c'est la grande question à la clé, qui est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? C'est, comment dire, l'essentiel, probablement, des gens qui écoutent cette émission, c'est ce qu'ils se disent, est-ce que éventuellement on pourra découvrir de la vie ailleurs dans l'univers? C'est intéressant de voir qu'il y a plus de 2000 ans, Épicure discutait déjà de cette question de la pluralité des mondes habités dans l'univers. Et comment dire, cette question a été permanente au cours des deux derniers millénaires. Et puis simplement, maintenant, on a une chance incroyable, c'est que la technologie nous permet éventuellement de découvrir des traces de vie dans l'univers, si elles existent. Donc avant de courir à la conclusion, les gens, faisons les instruments, faisons les mesures pour répondre à cette belle question. Bien sûr, Didier Queulot, justement, alors aujourd'hui, évidemment, depuis 95, les instruments se sont grandement améliorés. Aujourd'hui, on a découvert tout un bestiaire d'exoplanètes, outre les Jupiters chauds, qui ne ressemblent d'ailleurs pas forcément à celles que l'on trouve dans notre propre système solaire. Oui, on a un gros, on va dire, trois grandes classes de planètes qui ont été trouvées. Donc les planètes de type Jupiter chaud, qui sont finalement relativement rares, hein, c'est quelques pourcents d'étoiles qui abritent ce type de planètes. On a des planètes qui pourraient ressembler à Jupiter. Donc on a des objets de la masse de Jupiter ou quelques masses à Jupiter en orbite relativement éloignée. Beaucoup ont des orbites quand même un petit peu étranges, elles ne sont pas vraiment circulaires, donc elles ne ressemblent pas strictement à Jupiter. Alors, la grosse surprise, c'est qu'on a une population énorme d'objets un peu mystérieux que l'on appelle Super-Terre, Mini-Neptune, Super-Neptune, Mini-Saturne, un peu comme vous voulez, c'est-à-dire qu'on a tout un continu de planètes. On n'a pas cette séparation stricte que l'on a dans le système solaire entre les planètes dites telluriques, les planètes dites géantes et les planètes dites géantes glacées. On a tout un bestiaire qu'on a trouvé ici, qui est en fait un gros point d'interrogation, qui est en fait, mais que sont ces planètes, en fait, comment on les forme, comment on peut les comparer au système solaire. Et ça a été quelque part une énorme surprise, d'autant plus que ces planètes-là semblent être relativement majoritaires autour des autres étoiles. Donc on est là devant un moment assez fascinant, parce que on a une sorte de royaume des exoplanètes que l'on doit comprendre. Alors on le fait, hein, on a des instruments extraordinaires qui soit en sont en développement, soit sont développés, qui permettent de les trouver, qui permettent de mesurer dans certains cas leur taille, voire même obtenir leur spectre, d'un spectre sur leur atmosphère, et donc d'essayer de mieux comprendre ce qu'elles sont, en fait. Oui, on arrive grâce aux nouveaux instruments évidemment à avoir des lectures beaucoup plus précises, aux nouveaux spectrographes notamment, et puis il y a d'autres instruments qui sont très attendus, le LT, l'Extremely Large Telescope, qui est un instrument européen, terrestre, un autre, le James Webb Space Telescope, qui devrait partir remplacer, non pas remplacer, parce qu'il ne va pas chercher dans les mêmes longueurs d'onde, mais en tout cas compléter ce qu'a pu faire Hubble. Pour conclure, Michel Mayer, évidemment, pour conclure par la question que tout le monde se pose, comme vous l'avez certainement très justement deviné, la question de la vie, à quel moment est-ce qu'on sera en mesure d'arriver à un point de précision dans ces instruments qui nous permettrait de détecter ce qu'on appelle des biomarqueurs ou des biosignatures, c'est-à-dire trouver des signes qui pourraient donner un indice supplémentaire que eh bien, peut-être qu'il y ait une forme d'activité de vie, d'ailleurs quelle qu'elle soit microbienne ou développée. Il faut voir la difficulté dans cet exercice, c'est que une étoile produit de la lumière. La planète ne fait que réfléchir ce qu'elle reçoit. Et donc, si on prend le système solaire, par exemple, eh bien, si on regardait le système solaire depuis très loin, Jupiter réfléchit que 1/1 milliardième de la lumière du Soleil dans le domaine visible. Donc, ça veut dire qu'en gros, si vous regardez à une certaine distance le système solaire, vous êtes complètement ébloui par la lumière du Soleil et vous n'arrivez pas à voir les planètes autour. Donc, en plus, vous voyez la difficulté. Vous voulez analyser l'atmosphère, les spectres des planètes. Donc vous devez trouver une ruse pour éteindre la lumière de l'étoile pour pouvoir analyser la composition chimique de la planète. Et ça, on est évidemment gratifié par une caractéristique qui nous aide beaucoup, c'est les transits. De temps en temps, la planète est derrière l'étoile, de temps en temps, elle est devant. Et donc, quand on compare le spectre devant-derrière, eh bien, on peut voir des tout petites différences qui sont dues au fait que l'atmosphère de la planète filtre la lumière qui vient de l'étoile. Et donc, on peut faire des analyses chimiques de la composition des atmosphères planétaires par ce moyen-là. Et vous voyez, en gros, vous devez soustraire deux énormes nombres. Et c'est seulement la petite différence qui vous intéresse. Et d'où l'intérêt d'avoir ces télescopes géants, et en particulier le télescope de 39 mètres du mont au Chili, Amazonas, comment dire, qui va nous donner suffisamment de pouvoir collecteur pour pouvoir avoir des mesures très significatives des spectres planétaires. Le ELT, l'Extremely Large Telescope. Didier Queloz, un mot pour conclure justement sur cette question. Oui, donc la question de la vie est une question extrêmement compliquée qui ne se résoudra que de manière globale. On ne peut pas simplement dire oui, on a la recette magique. On va y avoir plusieurs étapes, on va dire, qui vont être graduelles ici. Pour interpréter correctement un spectre planétaire, il faut d'abord comprendre la planète. Donc quelque part, il va y avoir d'abord un effort relativement important simplement de recueillir de l'information de base sur la planète. Par exemple, est-ce qu'une planète a de l'eau? Et quelle est la température d'une planète? Est-ce qu'elle a un sol rocheux? Quelle est la nature de son sol rocheux? Des choses qui sont liées à la géophysique avant de pouvoir commencer à se lancer dans des interprétations subtiles d'éventuels biomarqueurs. À supposer que vous arrivez à faire ça, vous avez encore, en termes de technologie, vous avez encore à résoudre des étapes qui sont pour l'instant, on va dire, hors de portée. Mais n'empêche que c'est une question de temps, parce que les instruments se développent, le nombre de planètes que l'on a à disposition augmente, on trouve des planètes autour d'étoiles très très proches, hein, Proxima Centauri par exemple, à une planète probablement qui est peut-être pas très différente de la Terre. Donc l'idée qu'un jour ou l'autre on va arriver à avoir soit un énorme télescope sol ou alors une nouvelle mission spatiale pour aller mesurer quelque chose dans l'atmosphère de ces planètes, l'idée qui fait son chemin et qui n'est plus du domaine de la science-fiction. C'est un domaine maintenant qui est en étude. Je dois vous arrêter. À échéance, donner quelque chose. Didier Queloz, merci beaucoup. Désolé d'avoir à vous arrêter. On vous aurait bien gardé une heure de plus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir nous parler. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Merci Michel Mayer. Merci Didier Queloz. Merci à toute l'équipe. Un mot pour vous dire que demain, on parlera de modélisation en épidémiologie à 16h. Mais on se retrouve comme tous les matins à 8h55 pour la radiographie du coronavirus. Jusqu'à preuve du contraire.